Haï en toutes circonstances. Écrit par Sacha et lu par J0305. Résumé. Spider a toujours la sensation d'être un intrus. Un chat errant, c'est comme ça que Jake le désignait. Pas un ami de ses enfants, pas un garçon comme un autre qui voulait s'intégrer à la société Navi. Un chat errant, comme s'il n'était qu'un moins que rien. Spider essaie de ne pas trop y faire attention quand il joue avec ses amis. Mais il voit bien les regards que les adultes lui lancent, comme s'il n'avait pas le droit d'être là. Et pourtant, il fait tout ce qu'il faut pour être dignement accepté. Il passe du temps avec Neteyam et apprend à chasser. Il apprend à être patient, à choisir le bon moment pour atteindre la cible. Il apprend à manier l'arc, la lance, la fronde et autres armes dont l'aîné des Sully lui explique le fonctionnement. Il apprend aussi à respecter les animaux de Pandora, à ne pas chasser avec trop de violence, à toujours accorder un mot aux êtres autour de lui. Il apprend aussi comment faire des blagues foireuses et autres calembours pour embêter d'autres navis, enseignés par une Neteyam qui n'en rate pas une pour taquiner son frère. Malgré tout, il sent que quelque chose cloche et qu'on le hait quand même. Il passe du temps avec Kiri et apprend à découvrir les créatures de Pandora. Là où un icran serait juste un simple icran pour lui, là où une fleur ne serait qu'une fleur parmi tant d'autres, il apprend des choses qu'il ne pourrait pas voir à l'œil nu. Il apprend à mieux comprendre ces éléments. Kiri lui montre qu'une fleur n'est pas qu'une fleur. Ce sont des milliers de petits battements qu'elle a l'impression d'être la seule à entendre. Il fait de son mieux pour les entendre lui aussi, et même s'il a du mal, il écoute avec intérêt tout ce que son ami peut lui raconter. Malgré tout, il sent que quelque chose cloche et qu'on le hait quand même. Il passe du temps avec Loak, du temps de jeu surtout. Ils jouent ensemble dans la forêt, à toujours tenter des choses imprévisibles. Il y a cette fois où il se dit que ce serait une bonne idée de sauter d'une branche à l'autre malgré la distance. Il y a cette fois où c'est son ami qui se dit que cette liane va tenir et qu'ils n'ont rien à craindre. Ils se blessent plusieurs fois, à force de mauvaises chutes. Mais ils y repartent, grimpent, se chamaillent comme des enfants parfois. Et même si Spider ne le dira jamais très franchement, il y a quelque chose d'un peu spécial à l'idée de se rouler dans l'herbe avec Loak. Contre Loak. Il ne se sent pas triste que ses peintures Navi s'effacent, tant que la peinture va sur le corps de son ami. C'est bizarre. Malgré tout, il sent que quelque chose cloche et qu'on le hait quand même. Enfin, il passe du temps avec Took, il l'écoute. Elle est la plus petite d'une fratrie où chacun a une forte personnalité, et parfois elle a l'impression d'être un peu le boulet de la famille. Mais Spider l'écoute lui raconter tout ce qu'elle peut raconter. Comment elle a marché sur un insecte sans faire exprès une fois. Comment elle aimerait avoir les cheveux aussi longs que sa mère pour les coiffer comme elle. Comment elle cherche encore sa voie dans ce monde. Il s'identifie un peu à certains récits, mais dans tous les cas, il l'écoute, parce qu'elle a l'air tellement heureuse qu'un grand l'écoute sans émettre le moindre jugement. Malgré tout, il sent que quelque chose cloche et qu'on le hait quand même. Cette sensation que quelque chose cloche, qu'il est un intrus, c'est surtout Neytiri qui la lui donne. Elle feule à chaque fois qu'il joue avec ses enfants. Elle lui adresse surtout des regards emplis de mépris. Il ne sait pas trop pourquoi. Il se demande souvent ce qu'il a pu faire de mal pour recevoir un mépris pareil. Et puis, il se rend compte du pourquoi du comment. Il n'a rien fait, à part exister. « Spider !» l'appelle un jour Loak. Il se précipite vers lui-même. « Ça fait super longtemps que t'es pas venu. On commençait à s'ennuyer sans toi. »« Ah bon ?»« Ok, quelque chose cloche. » Le troisième de la fratrie Sully s'en rend bien compte. Sa voix semble triste, comme perdue. « Spider ?»« Je crois que c'est mieux si je reviens plus. »« Hein ? Mais pourquoi ? T'es notre ami !»« Tu parles. Ta famille me déteste. Tout ça parce que je suis un de ceux qui viennent du ciel. Je pourrais tout faire pour être votre ami. Je pourrais tout faire pour m'intégrer. Et même si j'avais un corps de Navi, on me détesterait toujours. Tout ça parce que j'existe. J'aimerais pas rester. Ça va juste créer des problèmes avec tes parents et... Tu vas arrêter d'exister? » C'est comme ça que Loak comprend ces mots. Une détresse s'est emparée de sa voix. Non, il ne veut pas. Je vais continuer à exister, mais loin de vous. Ce sera mieux pour tout le monde. T'as pas à décider de ce qui est mieux pour nous. Hein? On t'aime tous, Spider. Tuk a plein d'histoires à te raconter. Kiri me parle d'espèces qu'elle a envie de te présenter. Même les blagues de Netayam sur moi sont pas aussi imaginatives quand t'es pas là. Et moi, tu me manques, vraiment. C'est pas aussi drôle sans toi, nos balades. Reste. Je sais pas. J'ai l'impression que si je reste trop longtemps avec vous, ta mère me tuera à la moindre occasion. On s'en fiche de ma mère. On se battra contre elle s'il le faut. Et comment? C'est la guerrière la plus forte que je connaisse. C'est elle qui a vaincu mon père. On le fera quand même. Loak a l'air déterminé. Tu serais prête à te battre contre ta mère pour moi? Ouais, t'es mon amie. Je suis prêt à plein de trucs pour toi. C'est étrange. Il faudra qu'il pose la question à Kiri. Elle connaît toutes les espèces vivantes sur Pandora. Elle saurait sans doute ce que c'est, les espèces de papillons qui ont l'air de flotter dans son ventre depuis que son ami a prononcé ces mots. Est-ce que Loak a les mêmes papillons, lui? Fin. Merci d'avoir écouté.